L'actualité à Nancy et ailleurs. À Saint-Max, le mercredi 25 mars, l'association Lortie lance une nouvelle série de marchés Place à vivre, des rendez-vous de quartier autour de la santé et du bien-être. Pour nous en parler, nous accueillons en studio Noémie Alves. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission accessibilité alimentaire. Oui, c'est bien ça. Et Mélanie Poupin, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice accompagnement et animation. Un mot déjà sur Lortie. Lortie qui cultive la solidarité depuis de nombreuses années. Quelles sont les missions de Lortie? Lortie est créée depuis plus de 27 ans maintenant. Est un jardin d'insertion dont les missions sont l'accompagnement et la proposition d'un emploi pour des personnes qui en sont éloignées, en tout cas depuis un moment. Notre mission principale, c'est l'accompagnement de personnes en situation de précarité et en difficulté, pas nécessairement permanente, mais à un moment donné de leur vie. Ce nouveau rendez-vous, Place à vivre santé, c'est tout nouveau ou ça existait déjà avant ? Les places à vivre sont des marchés solidaires qui existent depuis 2022. Actuellement, on en dénombre trois qui se déroulent chaque semaine en quartier politique de la ville essentiellement. Ils se déroulent à Saint-Max les mercredis matins, à Jarville les mercredis après-midi, une semaine sur deux à la Californie, et puis les vendredis après-midi à Essaim-Mouzin-Pré. Alors 2022, la création de ces places à vivre, pourquoi ça a été lancé? Pour répondre en fait à une situation de précarité grandissante et notamment sur les questions alimentaires. Lortie s'est positionnée depuis de nombreuses années sur cette question de précarité alimentaire en proposant des aliments de qualité auprès de personnes en situation de vulnérabilité. Et c'est dit aussi que les seuls paniers solidaires n'étaient pas là pour répondre à l'ensemble des difficultés et que on pouvait peut-être aller s'adresser plus directement à un public basé, situé ou habitant les quartiers politiques et au travers d'un autre programme. Ce programme, c'est un marché. Ces places à vivre, ça a été imaginé avec les habitants? Pas exactement au départ, c'est pas tout à fait comme ça que les choses ont été faites. Par contre, les places à vivre santé ont été imaginées avec et pour les habitants. C'est ce premier rendez-vous qui va avoir lieu le 25 mars, c'est oui, ça? Oui, tout à fait. Parlons de ce premier rendez-vous, il y en aura plusieurs, mais celui-là c'est le premier. Ce sera à Saint-Max le mercredi 25 mars de 9h à 12h. Qu'est-ce qu'on va pouvoir vivre sur place? On a prévu plusieurs espaces, un espace santé et prévention pour se renseigner sur l'accès aux soins. On a un espace alimentation et bien-être pour cuisiner et partager un moment tous ensemble, avec aussi un accueil fait avec et par les habitants du quartier. On a aussi un espace convivialité et information sur divers sujets, notamment le sport. On a plusieurs associations sportives qui sont présentes et de santé. Et on a aussi un espace emploi et insertion avec des partenaires qui viennent pour partager ce qu'ils font, mais aussi recruter. Ça va être un moment très chouette. De nombreux partenaires qui sont présents pour tous ces rendez-vous alors? On a une quinzaine de partenaires présents pour ce premier rendez-vous. Et on a des partenaires qui sont déjà présents sur nos places à vivre, mais aussi des nouveaux partenaires qui viennent. Et sur nos autres dates, on a d'autres sujets. On parle de santé, mais aussi de santé mentale avec des partenaires qui portent ces thématiques-là aussi. Ces rendez-vous seront en plus thématisés? C'est ça. On a trois premières sessions qui parlent de la santé en général, trois autres sessions qui parlent plutôt de la santé mentale et trois dernières sessions qui sont plutôt festives où on va regrouper tout le monde et clôturer ces événements-là. Ces rendez-vous, vous les destinez à qui en priorité? On les destine à toute personne qui a envie de parler santé en tranquillité. On s'adresse évidemment à tous les habitants des quartiers. On s'adresse aux personnes sans emploi. On pense aussi aux jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation. Et on a très envie qu'ils et elles soient présentes parce que ces rendez-vous santé seront aussi l'occasion de rencontrer des employeurs. Des employeurs solidaires. On a Idée Intérim, Partego, Rebond, Infocel et Lortie qui seront présents pour recruter ce matin du 25 mars prochain. On vous attend nombreuses et nombreux. Et pour retrouver toutes les infos et les autres dates, parce qu'on ne les a pas citées, mais il y aura aussi le 22 avril à Jarville, le 29 mai à Essay Nancy, le 17 juin à Jarville, le 26 juin à Essay, le 1er juillet à Saint-Max et d'autres en septembre. On retrouve tout ça où? On retrouve tout ça sur Facebook, le Facebook de Lortie. On retrouve ça aussi sur les LinkedIn de Guillaume Demazeau, Mélanie Poupin. copain et on va essayer de s'organiser au mieux pour avoir d'autres manières de communiquer conséquemment. Et bien déjà, on va à votre rencontre le 25 mars, de 9h à midi, devant l'espace Champlain à Saint-Max. Et pour l'ortie, d'autres actus aussi après ? L'activité reprend aussi ? L'activité reprend, bien entendu, les semis sont en cours, ça pousse, les équipes espaces verts sont à pied d'œuvre pour redémarrer la saison. L'équipe accessibilité alimentaire est au fourneau, et puis notamment en train de préparer des sessions de frites pour les places à vivre santé, mais aussi de tacos en version végétale. Beaucoup de choses en préparation pour se passer une belle saison. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.